Chapitre 6e. Arthur Arendt se coucha et dormit mal. Il était préoccupé de l'idée qu'il aurait dû rester à son poste derrière le rideau. Pendant toute la nuit, une sorte de fièvre l'agitait. Croyant à chaque instant que deux îles allaient lui échapper, il se réveillait en sursaut et s'élançait de son lit vers la fenêtre. La rue était toujours aussi calme, la maison qu'il surveillait était toujours aussi sombre. Dès que le jour commença à poindre, un jour froid, terne, gris, le jeune avoué, horriblement las, sortit de son lit et revint s'installer à sa fenêtre. La chambre du second, qu'il supposait être celle de son ennemi, était faiblement éclairée. Ainsi, pendant qu'Arthur Arendt dormait, Dezil était déjà levé. Mais que pouvait-il faire à cette heure matinale? La lumière avait disparu. Peu après, une main écarta le rideau de la fenêtre, et un homme, dont on ne pouvait distinguer les traits, mais qui n'était pas le pasteur de Marston, se montra pendant quelques secondes. Il fallait donc supposer que la propriétaire de Arendt s'était trompée, car la porte de la maison mystérieuse s'ouvrit avec précaution, et un vieillard facilement reconnaissable pour l'habitant du logement, avant de sortir, sonda du regard la profondeur de la rue. Ce vieillard à la barbe grise, aux longs cheveux, vêtu misérablement, paraissait être un colporteur, car il portait sur les épaules un ballot de marchandises. Mais non, l'épicière n'avait pas commis d'erreur. Ce pauvre diable qui se mettait en route dès l'aube, c'était le père du révérend venu à Londres pour embrasser son fils avant le mariage. Dezil est un enfant du peuple. Dans sa situation actuelle, il rougit de son humble origine, et Arthur Arendt, croyant avoir de cette façon résolu le problème mystérieux de la conduite de son rival, se reprochait déjà ses soupçons, son espionnage, il était honteux de ses sottes interprétations. Cependant, sa visite chez le perruquier, celle chez le marchand d'habits, n'était pas absolument naturelle et rien ne les motivait. C'était encore là un secret qu'il s'agissait de pénétrer. Aussi Arthur Arendt n'abandonna-t-il pas sa place avant 8 heures du matin. Il déjeuna, faisant mettre sa table auprès de la fenêtre afin de pouvoir, en mangeant, guetter la maison voisine, où rien ne bougea jusqu'à 9 heures. À cet instant, les croisées furent largement ouvertes. Il devint aisé pour Arendt de reconnaître qu'il n'y avait plus personne dans ce petit salon, dont une servante époussetait les meubles, et qu'elle quitta, après avoir eu soin de placer sur une des vitres la pancarte usuelle, indiquant que le logement était alloué. Évidemment, Dezil faisait la grasse matinée. Toutefois, il était assez extraordinaire que son appartement fût mis en location alors qu'il l'occupait encore. Arthur Arendt s'impatientait, ne sachant quel parti prendre, ni comment obtenir les renseignements dont plus que jamais il sentait le besoin. Il sonna vigoureusement, et la servante qui avait tardé à monter s'excusa en lui expliquant les motifs de sa lenteur. Elle avait aidé la maîtresse à servir les clients qui le matin s'approvisionnaient à la boutique d'épicerie. Et bavards, ces clients, dévitant tous les cancans du quartier, la petite bonne de la maison voisine surtout qui s'était assise devant le comptoir et avait fait le récit d'un événement singulier. Cela ne pouvait intéresser monsieur que le locataire d'en face, ce jeune homme de province, fût parti la nuit sans que personne ait soupçonné qu'il quittait son logis. Mais on était bien forcé d'écouter les clients. D'ailleurs, elle demandait pardon à monsieur de l'entretenir de ses commérages. Et les ordres de monsieur allaient être exécutés ponctuellement. La table serait promptement débarrassée des restes du déjeuner, et déjà chargée du plateau, la fille s'apprêtait à sortir de la chambre lorsqu'Arthur Arendt la retint. « Comment ? L'homme du second est parti ! » s'écria-t-il. « Cela est impossible. Je n'ai vu depuis hier qu'un vieux colporteur ouvrir la porte de la rue. » Et sans laisser à la servante ébahie le temps de lui répondre, l'avoué descendit comme un fou, traversa la rue et frappa chez M. Brown, le propriétaire de l'immeuble. M. Brown ne demandait pas mieux que de jaser, mais il était incapable d'aider dans ses recherches l'avoué qu'il prit pour un agent de police. Le locataire du second, homme très tranquille, ayant payé sa semaine à l'avance, était parti, on pourrait presque dire furtivement, mais il avait laissé sur sa table un billet donnant les motifs de son brusque départ. Une dépêche l'appelait chez son père en danger de mort. Et il avait dû profiter du premier train. Mais le colporteur, l'homme à la barbe grise, interrogea Arendt. Quel colporteur ? Répondit M. Brown. Je ne reçois pas de gens de cette espèce dans ma maison, et mon locataire était un gentleman qui n'avait pas de si mauvaises relations. Et comme l'avoué lui racontait les incidents de la matinée, une terrible pensée traversa la cervelle de M. Brown. Un colporteur qui s'introduit clandestinement dans une maison ne peut avoir que de mauvaises intentions. et bien que ne possédant pour toute fortune qu'un petit pot au lait en argent et 6 cuillères à thé argentées, M. Brown prit l'air d'un Rothschild auquel on serait venu apprendre les fractions de sa caisse. Ce ne fut qu'après avoir inspecté minutieusement l'appartement du second, s'être assuré que les chaises boiteuses n'avaient pas diminué de nombre, qu'il prit un ton ironique pour dire à l'avoué « Votre colporteur, cher monsieur, n'est qu'un cauchemar ou un prétexte, car enfin de quel droit vous occupez-vous de ce qui se passe chez les autres ?» La question était embarrassante pour Eurette, qui après une courte hésitation répondit « Il s'agit d'un procès civil, et il faut même que je sache où votre locataire a pu se rendre en quittant votre maison. Vous plairait-il de me remettre ce billet dont vous m'avez parlé ?» M. Brown se fit légèrement prier, mais avec cette conviction qu'il avait devant lui un représentant de Scotland Yard, il céda la lettre en question. C'était bien l'écriture du pasteur de Marston. Il n'y avait plus à douter de l'identité de l'homme dont la silhouette s'était détachée sur le rideau. 3 lignes seulement établissaient ce témoignage accusateur. 2 il écrivait « Cher Monsieur Brown, je suis appelé chez mon père par un télégramme arrivé après minuit. Je regrette d'être obligé de vous quitter immédiatement. Veuillez envoyer ma valise à la salle d'attente de Great Northern, où je la retrouverai à mon départ pour le Nord. Votre serviteur, David West. » David West était le nom sous lequel le révérend avait loué l'appartement de M. Brown. Eurette, qui n'avait plus rien à apprendre, salua M. Brown et sortira pour aller chercher le sac qu'il avait laissé chez l'épicière. Tout en regagnant le Strand, l'avoué se demandait quelle conduite il devait tenir. Était-il prudent de retourner en toute hâte à Marston et de dévoiler à Cécilie la conduite de son fiancé? Mais la jeune fille lui rirait au nez à cette histoire de perruque et de colporteur qui ne prouvait pas grand-chose. Il fallait pénétrer le secret de cet homme, et Arthur Eurette ne se dissimulait pas que de ce côté, il avait atteint un mince résultat.